Chapitre 31 Mission to Mars. Eric BH tire le corner précédemment obtenu, en vain. Le ballon revient sur lui, il se fait remarquer par une jolie frappe qui va dans les bras du gardien. Décidément, c'est la soirée des défenseurs, puisque le capitaine des Bleus, Wolf 75, imite Eric BH en partant à grandes enjambées vers ses homologues défenseurs japonais. Il reste 8 minutes, Wolf 75 va tenter sa chance et transforme son tir. La France mène 2-1. Ils sont à 8 minutes de la validation de leur ticket pour la finale sur Mars. Les dernières minutes sont difficiles. La France paye son infériorité numérique et se replie en défense. Le Japon pousse et ne veut pas laisser passer sa chance. Les coéquipiers de Pour gagner 0-2 peuvent compter sur le soutien sans faille du public australien. Ils font un vacarme monstrueux. Le sol semble trembler lorsque l'arbitre décide de mettre fin à la rencontre. Les Français et Australiens exultent. L'équipe de France va disputer la finale de la Coupe du Monde dans le IE Dome de Mars. C'est énorme. Ce sont les nouvelles stars de l'année 2050. Se qualifier pour la finale, c'est bien, mais la gagner, c'est mieux. Pour cela, il faudra un gros adversaire, afin d'avoir un match de haut niveau. Personne ici, à Canberra, ne connaît le score du match qui se joue à Sydney entre l'Inde et la Chine. Un écran géant à 4 faces se baisse et arrive sur le terrain. Celui-ci se connecte au match, où on voit les 3 dernières minutes du match. Tout le monde peut voir qu'aucune équipe ne mène, et le score est de 4 buts partout. Sydney a vu un match de folie, alors que le score était de 0-0 à la pause. L'Inde a rapidement ouvert le score pour ensuite porter le score à 3-0 après 60 minutes de jeu. Aux 67, 72 et 78e minutes, les Chinois sont revenus à hauteur de leur adversaire. Pire, les joueurs de la Grande Muraille avaient repris l'avantage à la 88e minute. Les Wonder Boys ont alors grillé toutes leurs cartouches offensives en développant un schéma tactique assez rare. Le 2-4-5. Il y a devant 5 attaquants pour aller arracher la séance de tir au but menant tout droit vers Mars. Stratégie payante, puisque la défense chinoise n'a pas résisté à la pression et à la 93e minute, l'Inde porte le score à 4-4. Nous nous connectons donc au moment de l'égalisation indienne et pour les 3 dernières minutes d'arrêt de jeu. Pas de vainqueur, il faudra donc regarder la séance des tirs au but américains avant d'aller chercher le billet pour Mars. Le public australien est en stress. Les joueurs français ont rejoint leurs supporters en tribune pour suivre le dénouement. Dans 10 minutes, ils vont savoir qui ils vont affronter sur Mars afin d'aller chercher ce titre mondial, celui qui a quitté les mains françaises il y a 52 ans. Est-ce la Chine, vainqueur du mondial 2046, qui compte dans ses clubs franchisés l'ex-FC Barcelone, ou est-ce l'Inde, seul membre du Big 8 qui n'a pas été sacré champion du monde sous l'ère IE? La réponse se fera uniquement sur le terrain. Et après une séance palpitante, le grand vainqueur se nomme la Chine. Chapitre 32 Du rêve à la réalité. Maintenant que la France a obtenu son billet pour Mars, une question se pose. Tout cela est-il possible? L'aller-retour Terre-Mars a énormément évolué, mais est-il possible, en si peu de temps, d'envoyer 50aine de terriens, pas entraînés au voyage, dans l'espace? Comment la IE Sports Fédération s'est débrouillée pour rendre tout cela réalisable? La vie sur Mars est désormais acquise, mais via des terriens et en leur recréant l'environnement propre à la planète bleue. L'atmosphère martienne ne contient pratiquement que du dioxyde d'azote. Ceci est donc irrespirable pour les terrains. La pression atmosphérique est faible, ce qui réduit considérablement les chances de survie d'oxygène sur la planète rouge. Pour pouvoir rendre l'endroit vivable, la NASA a créé une société sous cloche. Les chercheurs se sont bâtis une bulle respirable pour tout et rien. C'est également par ce procédé que la IE Sports Fédération a construit le IE Dome von Braun. Le stade porte le nom d'un ingénieur germano-américain, le premier à faire une étude technique détaillée d'une mission sur Mars. Sous le toit de l'enceinte, nous retrouvons tout pour pouvoir respirer, vivre. En 2015, le temps estimé pour pouvoir faire le voyage Terre-Mars était de 6 mois. Les Bleus doivent être dans 15 jours sur le sol de la planète rouge. C'est une grosse contrainte. Pour information, la première exploration fructueuse date de novembre 1964, lorsque la sonde Mariner 4 a terminé son périple en juillet 1965, soit près de 7 mois et demi. 86 ans plus tard, ce voyage doit être 15 fois plus court. Mais, encore une fois, la eSports Fédération a trouvé la solution. Celle-ci a eu du mal à se concrétiser, car si nous revenons 2 mois en arrière, le projet mondial sur Mars allait être mis à la corbeille, remplacé par une reproduction en direct de la rencontre en hologramme sous le dôme martien. Mais en développant, en étroite collaboration avec la NASA, une fusée supersonique qui permet de faire la distance longue de 500 millions de kilomètres en 10 jours, le rêve est devenu réalité. Le vaisseau spatial est habituellement poussé par la force d'attraction du Soleil. La trajectoire a été pensée pour pouvoir bénéficier de ce coup de pouce, mais également pour profiter du champ gravitationnel des autres planètes. Le tout sera également boosté par une quantité astronomique de panneaux solaires et la présence de plusieurs moteurs et moyens de propulsion, moteurs nucléaires, ioniques, à plasma ou encore voiles solaires. Cette fusée n'a pas pu être testée. Espérons que rien ne cloche. Les Bleus et les Chinois vont devoir se presser, car aussitôt leur demi-finale terminée, ils doivent quitter l'Australie pour rejoindre la fusée eSports. Les valises sont déjà prêtes et le voyage peut commencer. Chapitre 33. Voyage difficile. Les joueurs peuvent embarquer dans la fusée eSports. Une grosse organisation a été effectuée pour celle-ci. Près d'une 50aine de personnes font partie du voyage. Nous avons les 15 Français, les 16 Chinois, 3 membres du staff français, 3 membres du staff chinois, 4 membres du corps arbitral, 2 cuisiniers, 3 spécialistes de la NASA et les 9 représentants de la eSports Fédération. Dans cette fusée, nous avons 4 compartiments bien distincts. Il est interdit aux membres de la ISF et arbitres de côtoyer les Français et Chinois durant les 10 prochains jours. Nous avons la partie France, la partie Chine, la partie NASA et la dernière partie avec les autres. Il n'est pas interdit aux joueurs, futurs adversaires, de passer des soirées ensemble, mais il est interdit de s'affronter en match de football. La seule confrontation pourra se faire via la EA Live Games, la console de référence en 2050. Il faudra tenir le coup psychologiquement, car pendant ces 10 jours, ils sont presque tous coupés du monde. Seuls les membres de la NASA peuvent émettre des messages aux planètes Terre et Mars. Il est plutôt conseillé aux joueurs et membres du staff de discuter avec les autres, afin de ne pas trop souffrir de rester près de 21 jours, loin de leurs proches restés sur Terre, et avec qui ils n'auront aucune nouvelle durant le voyage. 10 jours aller et 10 jours retour. Ils pourront avoir des nouvelles une fois arrivés sur Mars, grâce aux réseaux sociaux. Il ne faut pas oublier le football, puisque 2 terrains d'entraînement ont été aménagés dans ce titanesque vaisseau spatial. Là où cela risque d'être difficile, c'est pour les arbitres et les représentants de la eSports Fédération. Même ceux-ci ont leur cuisinier attitré, ils vont être mis à l'écart au sein de la fusée. Mais il est sûr qu'ils auront de quoi s'occuper. Pendant que les arbitres occupent les salles de sport pour garder la forme et regardent 10 matchs par jour afin de réviser encore et encore les règles du football. La eSports Fédération a envoyé les meilleurs arbitres, mais ils veulent qu'ils s'améliorent encore et encore. Les représentants de la eSports Fédération vont tout d'abord garder bien au chaud le plus beau trophée mondial, qui va briller sur Mars dans quelques jours. En plus de ça, les membres de l'AISF auront du pain sur la planche. Un brainstorming par jour, des projets à gérer, notamment le statut de la France, de l'organisation et encore de l'organisation. Ils examinent déjà les EA Games 2055. 10 jours d'intense travail pour eux. Il faut dire que pour cette finale sur Mars, ils travaillent depuis près de 7 ans. Ils ont mis les petits plats dans les grands. Si tout se passe comme voulu, la finale du Mondial 2050 va être historique. Le faux pas est interdit. C'est la réputation du football, devenu sport le plus populaire du monde, qui est mise en jeu. Chapitre 34. La Reine des Rois. Pour accueillir un match aussi historique, la EA Sports Federation a voulu taper fort et offrir un stade magnifique. S'inspirant des plus beaux stades des années 2000, Mars est le refuge d'un titan nommé Iedom von Braun. À quoi va ressembler ce bijou? La forme du Sapporo Dome, stade se situant au Japon, pouvant accueillir plus de 40 000 spectateurs, qui est devenu ridicule dans un pays comme le Japon. Ce qui a intéressé la ISF, c'est la forme du dôme nippon. Ressemblant à une énorme coquille d'acier, la EADVB adopte cette forme pour pouvoir abriter l'environnement terrestre. Des petites fenêtres, fermées, donneront une belle vue sur l'extérieur de la planète Mars. Un petit tuyau sort du stade pour pouvoir entrer dans celui-ci. La structure de l'Alliance Arena. Le stade munichois est constitué de presque 3000 coussins d'air, maintenus gonflés par un flux constant d'air sous pression. Ils peuvent être illuminés, indépendamment les uns des autres, d'une lumière de couleurs différentes. La EADVB va adopter ce même mécanisme pour recouvrir son toit, mais uniquement le toit, car le contour est tout autre. Les écrans de l'Al Rayyan Stadium. Connu pour son imagerie extérieure, le stade qatari a fortement inspiré le dôme martien. Le stade verra ses 50 000 m² de façade recouverts de plusieurs écrans géants. On y verra les plus grands moments de l'histoire de la Coupe du Monde, le parcours des deux finalistes. Le football aura lieu à l'intérieur, mais également à l'extérieur du dôme. À l'intérieur, ce sera comme dans le Georgia Dome. L'enceinte américaine accueille plus de 70 000 spectateurs au sein même d'Atlanta. Comme le modèle américain, le Iedom von Braun va avoir un toit intérieur fait de téflon avec un éclairage digne des plus grandes soirées de fête. Une ambiance d'arène de basket se fera sentir, mais avec un terrain en gazon synthétique. Le dôme ne sera pas gigantesque, mais pourra accueillir les 6 000 terriens habitant Mars. Et comme la EA Sports Federation aime les images de synthèse, elle fera siéger des invités spéciaux dans la tribune VIP. Parmi ce panel de 200 personnages historiques, nous retrouverons des artistes, Mozart, Léonard de Vinci, Pablo Picasso, des hommes politiques, Abraham Lincoln, Alexandre le Grand, John Fitzgerald Kennedy, Jules César, Nelson Mandela, des penseurs, Diderot, Plutarque, des scientifiques, Albert Einstein, Werner von Braun, des écrivains, Victor Hugo, Fyodor Dostoïevski, J.K. Rowling, des musiciens, Aretha Franklin, Elvis Presley, John Lennon, Bob Dylan, James Brown, Freddie Mercury, Michael Jackson, Mick Jagger, Kurt Cobain, Tupac, mais surtout des sportifs. Sergei Bobka, Pelé, Michael Jordan, Johnny Weissmuller, Mohamed Ali ou encore Michael Schumacher. Du beau monde sur Mars pour cette rencontre historique. Mais tout ça est une preuve de la mégalomanie de la EA Sports Federation. Sont-ils conscients que Mozart n'aurait pas forcément envie d'aller voir un match de football? Chapitre 35. 11 héros. Ils sont 15 Français à s'être envolés pour Mars, mais 4 iront sur le banc de touche et pourraient, potentiellement, ne pas participer à cette rencontre authentique. Un seul est resté sur le sol terrien, Faitzen. Expulsé face au Japon, il n'a pas pris part à l'envolée vers Mars, mais supportera ses coéquipiers en France. Pour désigner les titulaires, France Télévisions a décidé de faire une soirée spéciale où les Français doivent voter au fil de la soirée. Les 11 qui auront obtenu le plus de suffrages vont défendre le maillot bleu sur le sol martien. Le but final est de faire partie de ces 22 premiers à taper dans le ballon pour la finale du Mondial 2050. La première finale qui se jouera en dehors de la planète Terre. Tout cela se fera sous les yeux holographiques de Lucien Laurent, premier buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Ils auront également le rêve d'être le premier à marquer sur Mars, et au final, d'être les premiers à soulever la Coupe du Monde sur Mars. L'enjeu est énorme. Les 11 joueurs qui vont porter le maillot bleu ce soir seront 11 héros. En 1998, les 11 bleus qui avaient battu le Brésil 3-0 étaient Barthez, Thuram, Desailly, Leboeuf, Lizarazu, Deschamps, Carambeu, Petit, Zidane, Djorkaeff et Guivarch'h. En 2006, le 11 qui s'était incliné contre l'Italie était composé de Barthez, Sagnol, Thuram, Galas, Abidal, Vieira, Makelele, Ribéry, Zidane, Malouda et Henri. La brochette qui va participer à la troisième finale de Coupe du Monde de football dans l'histoire de France est Grid 71, Coca, Eric BH, Nabir 69, Zumbinda, Riti 34-02, Killer Crush 23, Pour gagner 02, Blanc Bag, Le Chapeau et Wolf 75. Vous aurez compris que Benoît, Delpino 50, Deal 48 et Moon Forever iront s'asseoir sur le banc de l'AIE Dome von Braun. Ils n'ont qu'un objectif, remporter le titre mondial. Une défaite serait un échec. Mais les Français sont tout de même allés jusqu'en finale. Ils ne sont là que pour la gagner et pour rien d'autre. Autre signe du destin pour les Français. L'AIE Sports Fédération a surpris son monde avant l'organisation du mondial. Habituée à effacer toute trace du passé, l'AISF a fait volte-face en déterrant le premier trophée de l'histoire de la Coupe du Monde, le trophée Jules Rimet, un Français. Un signe du destin ?